Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de La Croche-Oreille. Gaétan Gosselin, Jean-Pierre Gay avec vous. Salut Gaétan. Salut Jean-Pierre. Alors, ce soir, Gaétan, on va explorer une revue hein, qui s'appelle Music Works. Un magazine voilà. Qui est spécialisé dans le domaine, je dirais, de la musique contemporaine et plus particulièrement de l'art sonore aussi. Donc, on va en parler, mais avant de rentrer là-dedans, Gaétan, juste un petit message du commanditaire pour ne pas l'oublier. Avatar, centre d'artistes en art numérique et sonore, ben lance un concours pour trouver un décor sonore pour patinoire. Vous vous rappellerez, il y a 2 ans, un projet qui s'appelait Klondike et où on pouvait patiner sous non pas des airs de musique un petit peu légères, mais sur justement des musiques d'art sonore. Alors, Avatar récidive cette année et vous offre la possibilité de soumettre un projet de 8 à 10 minutes d'ambiance sonore qui pourrait agrémenter un lieu, une patinoire. Alors, vous avez jusqu'à l'automne pour présenter ça, mais donc vous soumettez votre candidature chez Avatar. Vous allez, de toute façon, aller sur le site avatarquebec.org, vous aurez amplement de détails là-dessus, mais c'est une belle occasion pour vous qui êtes des artistes en art sonore. En tout cas, si vous en êtes pas, ben c'est le temps de pratiquer puis de vous faire la main. Alors voilà, avatarquebec.org et puis tous les détails sont là-dessus. Alors, Gaétan, Music Works. Music Works, tout d'un mot, je dirais. Mm-hmm. En tout cas, si on va sur le site internet, mm-hmm. Works avec un S, un magazine donc qui est né, qui est lancé en 1978. Donc, ça fait tout de même un bail, on va quelques dire ça années. Comme ça, quelques années. Et à l'époque, c'est l'idée de présenter des articles sur la musique contemporaine, la musique classique, mais avec l'attribut d'avant-garde. Donc, on a à l'époque deux promoteurs, Andrew Timor et John Oswald, mm-hmm. qui vont Oswald qui travaille à la mise en page, au graphisme, puis Timor qui va jouer le rôle d'éditeur de la revue. On parle du même Oswald qu'on a connu entre autres au Moi Multi. Oui, on parle de John Oswald, le mm-hmm. musicien qui va faire un travail à la fois d'expérimentation sonore et qui va être un musicien d'avant-garde. Mm-hmm. Et donc tous deux vont créer cette revue soutenue par une société musicale torontoise. Et au fil des ans, va se développer, je dirais, un savoir-faire puis un intérêt marqué pour le développement des nouvelles tendances qu'on va retrouver à la fois en musique, mais à la fois dans le domaine des arts audio, des arts sonores. Et en 90, il y a un tournant parce que là, on va vraiment s'intéresser à l'émergence de la musique électroacoustique à l'échelle canadienne. Les arts sonores vont prendre une place de plus en plus importante. Et puis, tout cet environnement qu'on va retrouver autour de la performance, mm-hmm. qui va à la fois performance au sens artistique du terme. Oui, oui, oui. Donc, l'expérimentation sonore va aussi être un environnement soit d'artiste en art visuel, dans le cas d'installation, là, je l'ai déjà dit, de performance ou encore d'intervention mm-hmm. en tant que tel. Mm-hmm. Donc, ce soir, on va y aller par regroupement de types d'artistes. Si je pense aux deux premiers qui sont des artistes qui ont fait des installations. Ouais, ce soir, c'était l'idée de présenter à nos auditeurs un portrait des tendances qui sont touchées, qui sont révélées par le magazine ces dernières années. Il faut savoir qu'il y a 3 éditions qui sont publiées à chaque année, des éditions qui sont encore accompagnées, il faut le dire, dire, depuis le début des années 90 par un disque CD. Mm-hmm. Alors, c'est tout de même intéressant parce qu'il y a une trace. Même si l'objet CD est en train de glisser aux oubliettes, il reste que... Mais il va revenir. Ça demeure un support tout de même intéressant. Mm-hmm. Donc, d'entrée de jeu, on écouterait ce soir deux pièces qu'on va enchaîner. Une première qui s'intitule Combine Project et puis une seconde qui s'appelle La Chambre des Machines. Et je te laisserai, Jean-Pierre, parler de Combine Project de l'artiste Stephen White. Ouais, alors, je te prends moi, un peu au dépourvu. Oui, ben moi, je te dirais qu'on serait quasiment prêt pour y aller aussi. On y va? Mais en fait, moi, je pourrais dire tout simplement que pour ce qui est de la deuxième, là, le liaison mécanique, c'est de deux artistes... La Chambre des Machines, c'est deux artistes de Québécois. Oui, de Martin Messier et Nicolas Bernier. Et dans le cas de Stephen White, c'est un artiste visuel qui a acheté une moissonneuse-batteuse, qui l'a déconstruit et qui en a fait à la fois une exposition d'art visuel et un environnement sonore qu'on va écouter dès maintenant. Et voilà. Thank you. Alors, c'était Nicolas Bernier et Martin Messier, Liaison mécanique, tiré d'un disque qui s'appelle Liaison mécanique. On va enchaîner dans un autre univers, Gaétan. Encore là, des musiques qui sont des musiques ou des sons qui sont transformés à partir d'instruments ou d'objets. Ouais, un premier extrait d'un travail qui s'appelle Binatone Galaxy de Stephen Confort. Stephen Confort, qu'on a eu la chance d'écouter ou d'entendre, je vais dire ça comme ça, d'écouter dans le cadre d'une installation qui était présentée dans le cadre du mois multi ouais. En février dernier. Une pièce d'ailleurs qui s'intitulait qui s'intitulait Migration, ça faisait penser à des criquets ouais. qui étaient en pleine Petite migration. Ouais. Et la pièce qu'on entend, Binatone, c'est encore une installation sonore réalisée à partir d'enregistreurs à cassette. Et ce que fait Confort dans ce cas-ci, c'est qu'il enlève le ruban de la cassette et insère un micro et finalement fait démarrer tout simplement l'appareil. Donc c'est tout un travail sonore sur la mécanique des technologies anciennes, je vais dire ça comme ça. Ouais. La seconde pièce qu'on va entendre en enchaînement, c'est Matt Rogalski, lui aussi qui était au Mois Multi, dont on retrouve d'ailleurs un article assez intéressant dans Music Work. Donc c'est le projet qui s'intitule Discipline, constitué de 12 guitares qui sont en phase avec les ondes sonores d'une radio locale, et sonorités de les ondes radio sont retravaillées à partir d'un matériel électronique où les guitares vont jouer le rôle de caisse de résonance. De caisse de résonance. D'une certaine façon. Oui. Alors, on écoute en première partie Binatone Galaxy de Stephen Comfort. Thank you. C'était un petit combo qui nous a rappelé le mois multi, le dernier mois multi, hein, Comfort et Rogalski. Tous deux étaient presque une salle, une à côté de l'autre, presque. Non, pas vraiment, parce que à la galerie des arts visuels, voilà. Puis l'autre était dans l'entrée du hall de Méduse. Deux beaux projets. Alors, on va enchaîner avec un japonais, Akio Suzuki. Ouais. Qui est un artiste d'un bon âge. Hein? Ben c'est on le décrit comme un pionnier de l'art sonore au Japon. C'est un expérimentateur, c'est un performeur. D'ailleurs, dans l'article qui traite de son travail, on parle d'une première performance en 1963 où il va prendre un panier de déchets qu'il va lancer dans les escaliers de la gare de Nagoya. Et il va faire une captation de ces détritus qui descendent dans l'escalier pour en faire un univers sonore. Il va par la suite inventer des instruments qui sont basés sur l'idée de la réverbération, de l'écho. Et il va faire un travail d'expérimentation avec des instruments de musique, avec des instruments inventés. Et ça donne un univers, typiquement asiatique, mais extrêmement inspiré. C'est vraiment intéressant. Et il y a beaucoup d'aléatoires aussi dans son travail. T'sais, il dispose des objets un peu partout, à gauche, à droite, et il les utilise un peu au gré de ses impulsions, de son inspiration du moment. Ouais. Quelque chose de très, très conceptuel dans cette approche-là. Voilà. Donc, on écoute une pièce qui s'intitule « Anapolos ».

deuxième demi-heure de la croche-oreille. Gaétan Gosselin, Jean-Pierre Guay, toujours avec vous. Gaétan, on poursuit notre exploration de la revue Music Works, et dans laquelle on retrouve à peu près tous les courants. En tout cas, tu as réussi à pointer différents courants dans le domaine de l'art sonore. Et que tu nous proposes des petits duos comme ça depuis le début de l'émission. Ouais, il faut dire que la revue, c'est une revue qui traite de musique au sens très très large, mm-hmm. mais encore là, dans une perspective d'avant-garde. Donc, on écoute ce soir des compositions ou des travaux sonores qui sont issus de l'expérimentation mm-hmm. sonore en tant que telle. Mais sans oublier qu'il y a tout de même dans cette revue-là, on traite de travaux d'artistes qui font de la musique classique, mais encore là, tout dit le temps... Dite actuelle. Mm-hmm. Ou carrément classique, mais mm-hmm. vraiment dans une perspective où on approfondit dans une perspective de recherche plutôt fondamentale ou encore mm-hmm. D'avant-garde. Alors, on poursuit ce soir avec deux projets singuliers. Un premier de Simon Cacheux, qui est un artiste défini comme un designer sonore, mm-hmm. Qui a participé finalement à un concours organisé par Music Works, parce que ça fait aussi partie un peu de leur tradition. Ben oui. D'organiser des concours, d'inviter les artistes à leur expédier des projets de recherche. Donc lui, il fait un travail qu'on pourrait qualifier de micro-fiction sonore, avec, il utilise la voix, il y a toute cette idée du paysage sonore mm-hmm. En tant que tel. On présente une œuvre qui s'intitule Inner Self. Voilà le pour ce qui est de Cacheux. Et d'ailleurs, ce Cacheux-là, il a gagné le deuxième prix. Tu parlais des récipiendaires ou des prix que Music Works décernait. Ben lui, il a été vainqueur en 2014. Tout à fait. Puis c'est un beau travail d'expérimentation, mm-hmm. le travail de Cacheux. En deuxième partie, oui. Quelque chose qui est un peu en écho au travail de Cacheux, c'est le travail de Yanis Kariakides, qui est un artiste d'origine hollandaise, un compositeur de musique. C'est quelqu'un qui est assez charpenté sur le plan musical, sur le plan intellectuel. Il va faire, lui, un travail avec la voix. Mm-hmm. Il va chercher... en fin de compte, l'article que fait paraître Music Work nous dévoile un peu l'intérêt de ce créateur pour les mécanismes de la communication orale et de la communication sonore. Mm-hmm. Et c'est un aspect qui est assez à la fois mystérieux puis très intéressant. Et à l'écoute, c'est un travail vraiment singulier, très, très, très puissant sur le plan de la réflexion conceptuelle en matière de son. Alors, la pièce s'intitule « Musique pour une langue étrangère » dans une langue étrangère. En deuxième partie. Oui. Mm-hmm.

and repeat. Listen. And repeat. Listen. And repeat. Alors, c'était Yanis Maria Kariakides, musique dans une langue étrangère. On va s'en aller dans un tout autre univers, encore là, un autre type de paysage, inspiré du dadaïsme, avec deux femmes, Jennifer Walsh, qu'on peut voir sur une photo avec une tête de lapin, un ukulélé en main, des bas en doré, une petite robe courte, puis un petit canard en coin. Donc, une image un peu surréaliste, un peu folle, un peu drôle. Un travail qui est vraiment inspiré, comme tu le disais, du travail du dadaïsme. Elle nous propose une pièce qui s'intitule Spin a Fine Tale. Tales, donc on fait tourner une histoire, comment on pourrait traduire le mot fine tales, mais en tout cas une histoire un peu subtile. Et donc on a là deux artistes qui font un travail de voix, un travail aussi de mixage, de collage. Deux artistes, en parlant aussi de Margaret Nobles, qui ont une approche qui est socio-critique, engagée sur le social. Oui. Dans le cas de Margaret Nobles, qui est une Américaine qui travaille à San Diego, c'est une artiste multidisciplinaire. Alors là, on retrouve tout un volet de critique sociale. Elle a fait un travail remarquable autour de l'ouvrage de George Orwell qui s'appelle 1984, un travail qui s'appelait Fracture, et qui va donner le ton, je dirais, aux travaux artistiques qu'elle va faire par la suite. Donc, on écoute une pièce de Nobles qui va s'appeler Safer et meilleur. La meilleure, c'est ça. Et dans le cas de Jennifer Walsh, une pièce qui s'intitule Spin a Fine Tales. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Make your America a safer as well as a better America is a vitally important objective. We'll be right back. Alors, c'était Margaret Nobles. Alors, Gaëtan, on va enchaîner la prochaine pièce. Je comprends bien qu'elle va porter sur les ondes Martineau. Exactement. Puis on va y aller d'une définition Une définition en direct? En direct, en temps réel. En temps réel. À partir de l'invention de la lampe triode, il y a eu énormément d'inventeurs qui ont pensé qu'il était possible de fabriquer un instrument de musique grâce à l'électronique. Martineau, lui, véritablement, ce qu'il va fabriquer, c'est pas tellement un générateur de son, c'est le moyen de contrôler ce son. Il a vu naître un répertoire pour lui, à la fois savant, populaire. Qu'est-ce qui fait que 80 ans après, il est toujours là? C'était un document historique. Ça donne le ton. Au fond, un petit documentaire sur cette invention des ondes Martineau, Maurice Martineau qui invente un instrument de musique qui ressemble à un piano, mais qui est un instrument de contrôle des ondes sonores avec une instrumentation. On dit que c'est un des premiers instruments électroniques d'invention avec le theremin. Donc, on est au début du 20e siècle et on commence le travail d'expérimentation avec tout ce qui est issu de l'énergie électrique. Et il y a un article dans Music World qui traite justement de l'histoire de cet instrument qui va être utilisé par de grands compositeurs et évidemment beaucoup d'artistes de la musique populaire qui vont l'utiliser. Mm-hmm. Alors pour ce soir, nous on va vous présenter une pièce de Suzanne Binet-Audet et David Madden. Qui s'intitule L'art 2015, vers l'art, V'ERL'OR 2015. Et on va se laisser là-dessus. Ouais. Alors, on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis, je vous rappelle l'invitation d'Avatar. Si vous avez le goût de composer une œuvre sonore pour patinoire, bien, consultez le site d'Avatar, avatarquebec.org, et vous allez avoir toutes les informations à ce sujet. C'était Gaëtan Gosselin, Jean-Pierre Gay avec vous, et on vous dit à la semaine prochaine. Bye-bye. Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique.